D'après le communiqué du comité préparatoire du Côté Nord pour la conférence conjointe des partis politiques, organisations et personnalités du Nord, du Sud et de la diaspora en faveur de la paix et de la réunification indépendante de la péninsule coréenne, publié le 23, le comité préparatoire américain pour cette conférence conjointe, qui réunit le comité régional américain de la direction d'outre-mer pour l'application de la déclaration commune du 15 juin et autres organisations et personnalités coréennes aux États-Unis, est constitué le 20 juillet. Précédemment, le 15 juillet, pour l'ouverture fructueuse de la Grande Réunion nationale en faveur de la réunification, est constitué le comité préparatoire canadien pour la conférence conjointe susmentionnée. Parallèlement à la constitution des comités préparatoires d'outre-mer, les partis politiques, organisations et personnalités du Nord, du Sud et de la diaspora en faveur de la paix et de la réunification indépendante de la péninsule coréenne ont demandé aux autorités sud-coréennes de ne plus dresser l'obstacle au grand rendez-vous national en faveur de la réunification et d'accepter le plus tôt possible le projet pour la réunification de la patrie.